ramasse tous les baisers avec le mayo. À quoi goûte le mayo? Comment tu es calé? Ah, et la nouazou. Mais tu es un choca, hein? Tu danses un peu bancal, mais c'est bon. Mouvement de hanche, ha, mouvement bangala. Attention, le petit plan est trop, trop, trop dangereux. Viens, ma soeur, fuyons. L'affaire est très grave, oh. Attention, ma soeur, attention, attention. Avec les lions indomptables. Nkono dégage suppositoire à l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel d'Nkono. Les défenseurs voient complètement flash. François Omambi, amorti et glisse un solo, deux solos et passe à Mila. Oh mon dieu, Mia dribble la balle. Un dribble fabuleux qui sort des laboratoires footballistiques de Détouli. L'affaire est grave, il tire au gol, il est.